Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les voyelles, même non accentuées, doivent être prononcées très très clairement. En espagnol, le A est toujours un A bien clair, hein, comme dans para et hablar. Le E se prononce toujours E, comme dans que et tiene. Le I, toujours I, comme dans aquí et salir. Le O, toujours O, comme dans tengo et pero. Et le U, toujours U, comme dans usted et puedo. Dans les cas des verbes, à partir du moment où l'on omet le sujet, c'est la terminaison qui indique le sujet du verbe. Donc, il est important d'entendre cette terminaison bien clairement, et notamment la voyelle finale. Alors, je parle se dit hablo. Bien, hablo. Donc, encore une fois, les sons particulièrement importants pour le présent sont ceux du A et du E prononcé E. Et, dans le cas de la première personne du singulier, du O. À la première personne du singulier du présent, donc avec je, vous accentuez l'avant-dernière syllabe, ou la première syllabe, s'il n'y en a que deux. Et vous relâchez sur le O, quelle que soit la catégorie du verbe. Il n'y a que quelques rares exceptions où l'on n'a pas un O final, à la forme avec je. Il y a d'abord quatre exceptions où on a O, Y, au lieu de O. Et vous connaissez déjà trois d'entre elles. Alors, je vais, c'est... Boy. Boy. Hein? V, O, Y. Et je suis... Soy. Soy. S, O, Y. Ou, si c'est le verbe estar, je suis... Estoy. Estoy. E, S, T, O, Y. Donc, on a déjà trois des quatre cas particuliers en O, Y. Et il y a un quatrième avec le verbe donner. Le verbe donner qui se dit... Dar. Dar. Très bien. Eh bien, je donne se dit doy. D, O, Y. Donc, nous avons là les quatre formes pour lesquelles... À la première personne du singulier du présent, donc avec « je », on n'a pas un « o » final, mais « o » y. « Boy »,« soy »,« estoy » et « doy ». Et puis, il existe aussi un cas où il n'y a pas de « o » du tout. Cette exception concerne le verbe « savoir ». Alors, « je sais » se dit... C'est. C'est, oui, tout à fait. Et je ne sais pas. No sé. No sé. Je ne le sais pas. No lo sé. No lo sé. D'accord. Alors, encore une fois, comment dites-vous il ou elle parle ou vous, hein, usted, parlez. C'est la même forme. Hable. Alors, vous avez bien accentué l'avant-dernière syllabe, et automatiquement, j'ai tendu l'oreille pour écouter la terminaison qui suit, et ainsi savoir de quelle personne il s'agit, hein, quel est le sujet du verbe. Parce que c'est la terminaison qui me donne cette information. Mais je n'ai pas bien compris, hein, parce que même les voyelles non accentuées doivent être claires. Hein. Si ce n'est pas clair, on ne comprend pas, on ne sait pas de qui vous parlez. Alors, il ou elle parle, ou vous. Hein, usted parler, c'est habla. Hein, c'est clair, ça finit en a. Même non accentué, habla. Comprendre, c'est comprender. Comprender. Hein, et je comprends sera comprendo. Encore une fois, comprendo. Oui, mais je voudrais entendre plus clairement la terminaison. Comprendo. Comprendo. Hein? Comprendo. Avec un O à la fin. Et vous comprenez, hein, usted, vous comprenez, ou il ou elle comprend. Comprende. D'accord, hein? Comprende. Là, on est passé à l'autre catégorie de verbes, donc on a une terminaison en « et ». Comprende. Au présent, on tourne avec deux sons. Mais ces deux sons, le « a » et le « e », même non accentués, doivent être prononcés très clairement. Acheter, c'est comprar. Encore une fois. Comprar. Comprar. Pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Se dira. Porque no lo compre, compra. Vous voyez, ne vous précipitez pas. Hein? C'est donc bien porque no lo compra. Parce qu'il s'agit de la catégorie de verbe en ar. Donc, compra, hein? Avec un a à la fin. Vendre, c'est ben. Der. Bender. V-E-N-D-E-R. Et je le vends. Lo bendo. C'est ça, hein? Lo bendo. Il ne le vend pas. No lo vendo. Ça c'est je ne le vends pas. Ah. Mais il ne le vend pas, ça sera. No lo vende. D'accord. No lo vende. Et si vous hésitez pour la terminaison, prolongez un peu plus la syllabe accentuée qui précède. Hein? Le temps de vous décider pour la terminaison. Por qué no lo vende? Hein? Por qué no lo vende? Hein? Comme ça, vous vous donnez le temps un peu de réfléchir quelle va être la terminaison. Mais c'est facile, hein, parce que au présent, vous n'avez que deux options possibles. C'est soit a, soit e. Pour il ou elle au pluriel et pour le vous de politesse pluriel, hein, ustedes, vous ajoutez un n après le a ou le e. Ça devient donc respectivement an et n. Alors, encore une fois, comment dites-vous est-ce que vous, hein, usted, est-ce que vous le vendez? Lo vende. D'accord, lo vende. Et maintenant, si vous posez la même question à ustedes, est-ce que vous le vendez? Lo venden. C'est ça, lo venden. Ils ne le vendent pas. No lo venden. Répétez-le encore une fois. No lo vende. Oui, mais le N final doit s'entendre encore un peu plus clairement. No lo venden. D'accord, hein? No lo venden. Là encore, ce n'est pas la terminaison qui est accentuée, mais on doit quand même pouvoir l'entendre bien distinctement. Pourquoi ne l'achetez-vous pas? Hein? Vous vous adressez à usted. Pourquoi ne l'achetez-vous pas? Por qué no lo compra? C'est ça. Por qué no lo compra? Et elle ne l'achète pas, ça sera. No lo compra. No lo compra. D'accord. Maintenant, vous posez la question à ustedes. Pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas? Por qué no lo compra? Encore une fois. Por qué no lo compran? Bien. Por qué no lo compran? Compran. On doit quand même entendre bien distinctement le N.